Les yeux du cœur par Léon Frappier. Quelle plaisanterie! Les fiançailles de Gaston Chantier avec Mademoiselle Maintreuil. Je vous affirme. Non, voyons, elle est plutôt jolie fille, avec son teint délicat de blonde, son grand chapeau à fleurs et la mode courte actuelle. On dirait une piquante bergère de Watteau. Tandis que lui, il est franchement laid. Pas grand, lourdeau, noirot. Il louche par intermittence. Il a eu le nez aplati étant enfant. Son menton en a profité pour avancer. On dirait, ma parole, d'un masque chinois. Il plaît. Taisez-vous donc. Si je suis forcée de m'incliner devant le fait positif des fiançailles, dans tous les cas, je refuse absolument d'admettre que la jeune fille obéisse à une sincère inclination. Je vous prouverai. N'essayez pas. Il y a des choses logiquement impossibles. Puisque vous niez a priori, puisque vous invoquez en quelque sorte une impossibilité de principe, moi, je vais vous prouver par analogie que j'ai raison. Au moyen d'un exemple, je vous montrerai que votre principe n'existe pas et que le goût illogique de Mademoiselle Maintreuil ne constitue même pas une exception particulièrement rare. À S, un important pays de fabrique du nord de la France, Mademoiselle Fernande Gontran était célèbre dans la bourgeoisie pour sa laideur. Un profil pointu de belette, pas de menton, des yeux minuscules, une vilaine peau huileuse, une maigre chevelure d'un roux passé, presque incolore. À 25 ans, résignée au célibat, hélas d'acquérir des diplômes inutiles, Fernande aurait bien voulu s'occuper des enfants des autres. Mais elle ne pouvait pas briguer un emploi régulier dans l'enseignement, parce que sa famille était l'une des premières du pays. Elle songea donc à s'offrir comme adjointe bénévole à l'école maternelle, qui était surpeuplée, ainsi qu'il arrive dans la plupart des centres ouvriers. Quelqu'un se chargea de pressentir la directrice, elle refusa énergiquement. « Nous trouverons une défaite polie, mais vraiment, Mademoiselle Gontran est trop laide. On écarte de l'enseignement les personnes infirmes. Eh bien, certaines laideurs est une infirmité, c'est un crime contre l'enfance que lui en imposait le spectacle continu. » Songez-y un peu. Nos pauvres petits, du fond de leur taudis, arrivent ici avides de splendeur, tendus vers tout ce qui pourrait être beau. Les voyez-vous condamnés à contempler la laideur, à la réfléchir comme l'eau reflète le ciel, et obligés dès lors de rentrer leur appétit d'admiration, leur rire, leur souffle? En vertu de cette impossibilité si bien raisonnée, Fernande fut priée d'attendre l'accomplissement de prétendues formalités qui n'étaient jamais terminées. L'année dernière, en septembre, on a pendant quelque temps redouté l'invasion. Et comme il était avéré que les notables de chaque localité couraient le danger d'être envoyés en captivité à titre d'otage, les parents de Fernande quittèrent le pays. Elle voulut garder la maison. Je serai, soi-disant, une servante oubliée par ses maîtres, et mon peu de séduction me préservera des violences. De proches exemples d'attentats obligèrent les institutrices et même les directrices encore jeunes, à imiter les parents de Fernande. Le maire se préoccupa de les remplacer provisoirement par des personnes âgées, et ma foi, incidemment, il accepta les services de Mademoiselle Gontran pour l'école maternelle. L'ennemi ayant été repoussé, la directrice réintégra son poste en même temps que l'on annonçait une visite du ministre dans la région rendue à la vie normale. La directrice fut doublement contrariée. D'abord de trouver Fernande en fonction, puis de constater qu'elle n'avait pas du tout préparé les enfants à faire bon effet dans une cérémonie officielle. Elle se hâta de mettre ses bambins à la hauteur des circonstances par une série de leçons, combien abstraites, sur le devoir d'aimer la patrie et de lui réserver les plus purs dévouements. Le ministre vint. La directrice, qui tenait avant tout à paraître, lui affirma que ses élèves avaient conscience de la grandeur des événements actuels et des nécessités morales qui en résultaient. Le ministre eut un sourire de commisération. « C'est tout petit eux-mêmes. Si vous daignez, par exemple, les interroger sur l'idéal que représente pour eux notre belle France. » Le ministre comprit qu'il fallait faire plaisir à cette professionnelle fanatique et il s'adressa au bambin, mais si bonhomme, si paternel, qu'il les mit tout de suite en confiance y intéressa plutôt leur jeune instinct que leur docilité scolaire. Après cet aimable préambule, il leur présenta la question à laquelle il savait bien qu'une réponse avait été enseignée d'avance pour sa meilleure édification. « Mes chers petits, vous êtes bien gentils. Je suis très content de vous avoir vus. Et tenez, avant que je m'en aille, pour que je sois encore plus content, voulez-vous me dire ce que vous connaissez de plus beau, de plus doux au monde ?» Instantanément, tous les petits visages s'épanouirent, comme si on leur donnait la plus douce caresse. Tous les yeux s'illuminèrent, comme si on leur faisait voir une image de perfection. Et ce cri inanime partit tel un boulet de canon. « Mademoiselle Fernande !» Vous vous rendez bien compte que les yeux du cœur, particulièrement chez les tout-petits, ont une faculté d'illusion illimitée. Quel est le pauvre moutard qui n'a pas couvert de baisers un affreux tronçon de poupée? Et la mère, la plus disgraciée, n'est-elle pas parée d'un charme infini pour son enfant? L'illusion au surplus n'est que relative. La beauté de l'âme est une réalité, et qui a ses moyens de transparaître, à l'occasion, elle devient connaissable pour notre instinct, et même dans l'excès de sa force, il lui arrive de supplanter, sous notre regard, la réalité tangible. L'histoire de Gaston Chantier et de Mademoiselle Maintreuil n'a pas d'autre secret. Notre héros, c'est le cas de le dire, après avoir été blessé au cours d'un glorieux exploit, est venu en congé de convalescence chez ses parents, qui sont voisins des Maintreuil, et ceux-ci ont mis leur magnifique jardin à sa disposition. Par suite, on lui a tenu compagnie et il a dû raconter ses prouesses. Sachant combien il était peu séduisant, il n'a pas cherché à plaire. Il a négligé toute mimique théâtrale, tout effet extérieur, mais alors il a montré d'une façon saisissante son personnage intérieur. Et dame, ce personnage tenait des rôles admirables dans maintes scènes pathétiques. Ici, la bravoure furibonde qui affronte victorieusement les férocités de l'adversaire. Là, l'intrépide bonté qui sauve un miracle de frêles existences. Une fraîche jeune fille conserve les heureux privilèges de l'enfance. Mademoiselle Maintreuil ne mettait aucun scrupule à contempler, à écouter dévotement le narrateur. Elle n'avait guère souci non plus de cacher ses impressions. Bref, à un moment, les apparences furent telles que l'on se demanda si, contre toute prévision raisonnable, Gaston Chantier ne lui plairait pas, mais là, complètement, au point qu'elle fut prête à l'accepter pour fiancée. Comment savoir? Pour les questions de sentiment, rien ne vaut la sincérité involontaire. Or, il est évident qu'à la première épreuve, Mademoiselle Maintreuil livrerait son secret en toute candeur. Une amie de la famille, qui précisément passe pour avoir épousé un fort bel homme, et qui à ce titre, dit-on, fait encore des jalouses, Madame Clodion, vous l'avez nommée, se chargea de l'enquête. Ce fut l'affaire d'une simple conversation de visite, censément un bavardage sans importance. Elle revint sur l'un des dramatiques épisodes contés par Gaston Chantier. Elle s'en émerveilla comme il fallait. Puis, au bon endroit, avec son air de femme mieux partagé que les amis, elle lança habilement son amorce. Quel dommage qu'un si brave garçon n'ait pas un peu plus de dehors. Enfin, ne soit pas d'un physique plus avantageux. Ah, mon cher monsieur, ce fut, paraît-il, un coup de scène aussi émouvant que l'explosion des pauvres mioches de Mademoiselle Fernande. Mademoiselle Maintreuil, comme suffoquée, se dressa sur la défensive. Son front, son visage, son regard voyaient beau contre tout décilement possible. Et elle exhala son aveu hautement d'une exclamation palpitante. « Mais, madame, je le trouve aussi bien qu'un autre !» C'était « Les yeux du cœur » par Léon Frappier.